les yeux quand il peint l'hiver en bleu. Et soudain c'est l'été en décembre. L'amour, c'est la couleur du bonheur quand il habite mon cœur. La couleur de notre vie ensemble. Quand il fait froid dans les rues de Paris, je me blottis dans les bras de l'amour. Et pendant des jours, on reste là et le temps nous oublie. Il peut pleuvoir, le ciel est à l'orage, nous sommes en voyage. L'amour, c'est la couleur de ma vie quand il caresse mes nuits. Près de lui, les saisons se ressemblent. L'amour, c'est la couleur du bonheur quand il habite mon cœur. C'est la couleur de nos jours ensemble. Et si un jour il doit prendre le chemin pour aller loin au-delà des nuages, vers d'autres rivages, je le suivrai sur la route sans fin. Un arc-en-ciel m'emmènera jusqu'à lui au bout de la nuit. L'amour, c'est la couleur de ses yeux quand il peint l'hiver en bleu. Et soudain c'est l'été en décembre. L'amour, c'est la couleur du bonheur quand il habite mon cœur. La couleur de notre vie ensemble. L'amour, c'est la couleur de ses yeux quand il peint l'hiver en bleu. Et soudain c'est l'été en décembre. L'amour, c'est la couleur du bonheur quand il habite mon cœur. La couleur de notre vie ensemble. L'amour, c'est la couleur de ses yeux quand il peint l'hiver en bleu. Et soudain c'est l'été en décembre.